franceinter.fr. Aujourd'hui, Affaires Sensibles vous propose de réécouter le récit de la chute de Mossoul en Irak le 10 juin 2014, le jour où cette ville est tombée dans les mains de Daesh, dont ce fut l'avènement. Mais l'événement, 2 ans et demi après, comme un vent qui tourne, c'était dans la nuit du 16 au 17 octobre, autrement dit la semaine dernière, quand le premier ministre irakien Haïdar al-Abadi annonçait le début de l'offensive de reconquête de Mossoul par les forces irakiennes alliées aux Kurdes, soutenues par la coalition internationale en Irak. Depuis 2014, et comme Al-Qaïda en son temps, l'État islamique est devenu un acteur majeur sur la scène internationale et un ennemi de nos sociétés occidentales, de leur mode de vie, de leurs valeurs. Les attentats de Paris en 2015 en ont apporté la sinistre preuve. Mais comment cette ville est-elle tombée entre les mains de l'État islamique ? Pour comprendre l'émergence de Daesh et de son califat, c'est dans les quelques pages de l'histoire de ce mouvement que nous allons nous plonger aujourd'hui. Nous allons suivre son chef et ses combattants en Irak comme en Syrie et entendre leurs mots ainsi que ceux des personnes qui les combattent. Pour en parler en seconde partie, nous recevrons Myriam Benrad, spécialiste de l'Irak et du Moyen-Orient, chercheuse associée à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, auteur notamment du livre intitulé « Irak, la revanche de l'histoire, de l'occupation étrangère à l'État islamique ». Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Emmanuel Fournier, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Hélène Langlois. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Juin 2015, plaine de Ninive. Sur un flanc de montagne perché entre les rochers, des hommes scrutent l'horizon. Nous sommes à Marmata, dans le plus ancien monastère d'Irak. Là, entre ces murs, ils sont encore quelques-uns à vivre. Dehors, c'est le bruit des mitrailleuses et des bombardements qui se fait entendre. À quelques kilomètres de là, on se bat chaque jour entre soldats de l'armée irakienne, combattants kurdes et djihadistes de l'État islamiste. Marmata, c'est l'une des villes les plus proches de la ligne de front qui s'est ouverte au nord de l'Irak un an plus tôt. Le 10 juin 2014, à 30 kilomètres de là, Mossoul, la seconde ville du pays, est tombée entre les mains de l'État islamique. Depuis cette date, nous connaissons tous son nom et son drapeau noir où sont inscrits quelques mots en arabe et lettres blanches. Ce drapeau est aussi le logo des vidéos de ces réseaux islamistes. À chaque fois, ce sont les mêmes images, celles de chars et de voitures armées, d'exécutions et de célébrations d'hommes en noir, Kalachnikov à la main, criant le même slogan « Barilia, l'État islamique restera ». Trois semaines après la prise de Mossoul, le 29 juin 2014, c'est encore sur la toile qu'on apprend au premier jour du mois du Ramadan la naissance du califat et le nom de son chef, Aboubakar al-Baghdadi. Donc l'État islamique a décidé avec les anciens, les émirs et la choura de l'État islamique d'annoncer l'établissement du califat islamique. Et l'État a désigné en tant que calife le cheikh djihadiste, imam et descendant de la maison du prophète Abdullah Ibrahim al-Baghdadi. Le 4 juillet, pour la première fois, le calife Aboubakar al-Baghdadi apparaît sur une vidéo. Grand, barbe fournie, vêtu d'une abaya et d'un turban noir, il prononce un prêche d'une vingtaine de minutes dans la grande mosquée de Mossoul. J'ai été investi d'une grande mission. Je suis donc votre leader, je vous dirige. Obéissez-moi tant que vous obéirez à Dieu au fond de vous. L'État islamique a un nom, un drapeau et un chef qui revendique un territoire à la fois sur la Syrie et l'Irak. Un territoire immense qui s'étend au nord d'Alep à Mossoul et au sud de Damas à Bagdad. Désormais, la frontière entre les deux pays n'existe plus. Elle est même détruite symboliquement. Elle a été détruite lors d'une action filmée où des hommes du groupe ont cassé le baraquement. Derrière ces images officielles de victoire et d'annonce sur ces terres sous contrôle de l'État islamique, pour une partie de la population, l'exil commence. À Mossoul, dès l'arrivée des hommes de Daesh, près de 300 personnes chrétiens d'Irak quittent la ville. Certains se réfugient au monastère de Marmata, mais pour eux, la calmie ne dure que 2 mois. Le 6 août 2014, en pleine nuit, l'alerte est donnée. Dans un vacarme de moteur, sur la plaine, des colonnes lumineuses se dessinent dans la nuit. Ce sont des phares, des voitures de civils et de militaires kurdes qui prennent la fuite face à cette nouvelle offensive de Daesh. Cette nuit-là, au monastère de Marmata, à la hâte et dans la panique, beaucoup de réfugiés chrétiens décident de reprendre la route pour éviter de tomber dans les filets djihadistes. Au petit matin du 7 août, ils ne sont que quelques-uns restés sur place, dont Nadia, Fares, Sabah et leur mère. Fatigués de ces départs incessants, ils attendent la mort sous la protection de leur dieu. Après 2 jours passés seuls entre les murs de ce monastère, ce sont les moines qu'ils voient revenir. Oui, les moines. Les hommes de Daesh n'ont pas pu atteindre Marmata. Ce qui, à des milliers de kilomètres de là, Barack Obama a décidé de leur venir en aide. J'ai autorisé 2 opérations en Irak. Des frappes aériennes ciblées pour protéger notre personnel américain et un effort humanitaire pour sauver des milliers de civils irakiens qui étaient piégés sur une montagne sans nourriture ni eau et qui faisaient face à une mort presque certaine. En tant que commandeur en chef, je ne permettrai pas que les États-Unis soient entraînés dans une nouvelle guerre en Irak. Et même si nous soutenons les Irakiens qui combattent les terroristes, les troupes américaines ne retourneront pas se battre en Irak, parce qu'il n'y a pas de solution militaire américaine à la vaste crise en Irak. La seule solution durable est la réconciliation des communautés irakiennes. Presque 3 ans après le départ des derniers soldats américains d'Irak, Washington intervient une nouvelle fois sur les terres de ce pays. Alors, comment en est-on arrivé là? De quoi Daesh est-il le nom? Et qui est Aboubakar al-Baghdadi? Quand cet homme inquiétant apparaît pour la première fois le 4 juillet 2014 à Mossoul, il n'est pas un inconnu des services secrets irakiens et internationaux. Le problème, c'est que pour beaucoup de ces services, l'homme est mort depuis 2005. À l'annonce de la proclamation du califat, il n'existe que 2 photos de lui. D'al-Baghdadi, on connaît un visage, un âge et quelques bribes de biographie. Il est né en 1971 dans une province de l'est de l'Irak, à Fallujah, capitale culturelle de la communauté sunnite. De ses études, on sait qu'il fut un élève moyen. Il a redoublé certaines classes à cause notamment de ses difficultés en anglais. L'armée, il n'a pu y entrer pour cause de myopie. Alors c'est dans les classes de l'université religieuse qu'il fait ses armes en étudiant la théologie, l'histoire et la généalogie. Il a 20 ans quand les États-Unis s'engagent dans la première guerre du Golfe et lancent l'offensive tempête du désert après l'invasion du Koweït par Saddam Hussein. Et il a 30 ans quand... Oh my god, an explosion now. Oh my god. Holy shit. Fuck! Oh my god. Oh my god. Jesus fucking Christ. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Il a 30 ans, donc, quand les 2 tours jumelles du World Trade Center s'effondrent dans le centre de New York. Quand Ben Laden apparaît aux yeux du monde, al-Baghdadi est-il déjà un soldat de Dieu? Sans doute pas, mais il est un enfant de ces guerres successives. En 2004, 1 an après le début de la guerre lancée par le président Bush, Fallujah, sa ville natale, est l'un des bastions de l'insurrection sunnite contre les forces américaines. Cette cité irakienne devient le théâtre de combats et d'attentats à répétition. C'est dans ces rues qu'al-Baghdadi est arrêté le 4 février 2004. Durant plusieurs mois, il est détenu au camp Boukha. Chez les djihadistes d'Al-Qaïda, cet endroit porte le nom d'académie. Derrière les barbelés américains, les tentes des prisonniers sont devenues les classes de l'endoctrinement où Al-Qaïda enrôle ses nouvelles recrues. Sous les miradors américains, al-Baghdadi devient un soldat de Dieu. Et en décembre 2004, 8 mois après son arrestation, il sort libre. Il fait alors allégeance à Al-Qaïda, puis se range derrière la bannière d'une nouvelle alliance fondée en 2007, l'État islamique en Irak. Pendant ces années d'occupation américaine, plusieurs guerres se déroulent. En Irak, il y a la bataille militaire, mais aussi politique et confessionnelle entre sunnites et chiites. Durant ces années, sous le joug américain en provenance et à Bagdad, chaque jour, chaque communauté compte ses morts. Et en 2007, comme un symbole de cette guerre sans front, un mur est érigé au milieu de la capitale pour séparer les deux communautés. On nous dit, le mur va vous protéger. Les Américains prétendent que les chiites ne pourront plus attaquer les sunnites et vice-versa. Mais la cause de cette division sectaire, c'est eux. C'est une mauvaise décision. Nous rêvons de sécurité. Ils nous disent, il faut un mur. Le seul endroit où on a construit un mur comme ça, c'est en Palestine. Les tensions entre les deux communautés musulmanes, chiites et sunnites, sont millénaires. Le différend est religieux, mais surtout politique. C'est un conflit qui oppose deux modèles, deux ensembles géopolitiques. Comme l'explosion de la révolution islamique en Iran en 1979, la guerre internationale qui débute en 2003 rebat les cartes. En Irak, dès la chute de Saddam Hussein, les forces de la communauté internationale offrent les clés de l'État aux groupes chiites, la communauté exclue et réprimée par l'ancien dictateur. Les exclus d'hier dirigent, les anciens chefs, eux, s'organisent. Et dans chaque camp, milices armées et rebelles frappent à l'aveugle contre l'autre communauté. Les murs érigés ne servent à rien d'autre qu'à inscrire dans l'espace les fractures du peuple irakien. En attendant, sur le front militaire, la coalition remporte de nombreux succès. En avril 2010, elle annonce la mort de plusieurs chefs de la rébellion, dont le leader de l'État islamique d'Irak et du Levant. C'est à ce moment-là qu'Abou Bakr al-Baghdadi lui succède. Un mois après, il devient l'incarnation du djihad international. Quelques semaines après, le 1er mai 2010, en pleine nuit en France, Barack Obama déclare. Tonight, I can report to the American people. Ce soir, je peux annoncer au peuple américain et au monde que les États-Unis ont mené une opération qui a tué Osama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda, et le terroriste qui est responsable du meurtre de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants innocents. Aujourd'hui, sous ma direction, les États-Unis ont donc lancé une opération ciblée à Abbottabad, au Pakistan. Mais cette mort ne marque pas la fin de nos efforts. Il n'y a aucun doute qu'Al-Qaïda va tenter de poursuivre ses attaques contre nous. Nous devons et nous allons rester vigilants à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières. Quelques mois après cette annonce, en août, les dernières troupes de combats américaines quittent Bagdad. Le 16 décembre 2011, les États-Unis remettent aux forces irakiennes les clés de la dernière des 505 bases militaires dont ils disposaient. Désormais, c'est au pouvoir irakien de gérer les cendres du chaos politique et confessionnel. Côté djihadiste, dès l'annonce de la mort de Ben Laden, Abou Bakr al-Baghdadi, chef de l'État islamique en Irak, réaffirme son allégeance au nouveau chef d'Al-Qaïda, al-Zawahiri. Ça ne durera qu'un temps, car en secret, al-Baghdadi prépare son indépendance. Et c'est en Syrie qu'il écrit le nouveau chapitre de la courte histoire de l'État islamique. Almost like the blues. Cause all my bad reviews, the war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen, my mother says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring. It was almost like the blues. En 2011, après la Tunisie et l'Égypte, certains rêvent aussi de révolution en Syrie, de printemps arabe. Dans les rues de Damas, le 15 mars, quelques manifestants scandent des slogans contre Bachar al-Assad. Comme ailleurs, ils prônent la fin du régime, de la corruption et de l'absence de liberté. Trois jours plus tard, à Deraa, au sud du pays, en réponse aux demandes de démocratie, quatre manifestants sont tués. Ce jour-là, la révolution enterre ses premiers martyrs. Premier mort en Syrie, premier d'une longue liste qui s'allonge encore au moment où nous parlons. De manifestation en manifestation, de répression en répression toujours plus violente, le pays sombre peu à peu dans une guerre civile. La communauté internationale suit de loin les événements. Dans nos journaux et sur le web, on observe ces combats entre fidèles du régime et rebelles. Jour après jour, on découvre les ruines d'Alep, de Homs, de Raqqa, où ils s'affrontent pour une rue, un immeuble, une fenêtre. De ces hommes, on sait très peu de choses. Leur identité, leurs emblèmes évoluent selon le temps et les zones de combat. Opposants, ils le sont tous, oui tous contre le régime de Bachar al-Assad, mais c'est la seule chose qui les rassemble. Car parmi eux, il y a les combattants nationalistes de l'armée syrienne libre, mais aussi des brigades d'islamistes modérés proches des frères musulmans. Et enfin, il y a des brigades salafistes qui prônent, elles, la création d'un État islamique, l'application de la charia et qui aspirent à la destruction de la communauté chiite. En vérité, derrière la guerre de tranchées contre le dictateur al-Assad se déroule une autre bataille, celle des opposants qui charrient elles aussi son lot de victimes. Au cœur de ce conflit, l'État islamique en Irak et son chef al-Baghdadi jouent un rôle central. Discrets d'abord, ils avancent leurs pions. À l'été 2011, ils envoient une partie de leurs combattants irakiens rejoindre le front syrien. En janvier 2012, ces hommes fondent un groupe armé, Jabhat al-Nusra. Leur objectif est double, lutter contre Bachar al-Assad et s'imposer au sein des groupes autonomes rebelles. Jérôme Fritel a rencontré l'un de ces rebelles syriens. Dans son documentaire « Daesh, naissance d'un état terroriste », il raconte l'arrivée de ces hommes de l'État islamique dans la ville syrienne de Raqqa. Au début, on croyait qu'ils venaient nous aider pour se battre contre le régime de Bachar et participer à la victoire de la révolution. Ils n'étaient qu'une quinzaine environ. Ils ont commencé à nommer des notables à des fonctions importantes. C'était pour gagner la confiance de la population. Ils proposaient aussi de l'argent à des personnalités connues de Raqqa pour servir d'informateurs. Par contre, ceux qui refusaient de collaborer, ils les tuaient. Au fil des mois, le groupe armé Jabhat al-Nusra s'impose dans plusieurs villes et régions comme la force la plus importante parmi les opposants au régime. Ce qui est le cas effectivement au milieu de l'année 2012 sur des territoires frontaliers avec la Turquie. Il ouvre ainsi une porte pour les djihadistes du monde entier. De ce succès, al-Baghdadi, le chef de l'État islamique en Irak, veut porter les lauriers. En avril 2013, dans un message sonore, il annonce la fusion de Jabhat al-Nusra et de son organisation en une seule entité, l'État islamique en Irak et au Levant, Daesh. Cette déclaration surprend une partie des observateurs, mais aussi le chef du groupe Jabhat al-Nusra, qui refuse de se soumettre. Il revendique seul l'autorité sur ses hommes en Syrie. Face à cette lutte de pouvoir entre ces deux groupes affiliés à Al-Qaïda, al-Zawahiri, chef politique et spirituel de la maison mère, tranche en faveur de Jabhat al-Nusra. En ce printemps 2013, al-Baghdadi perd une bataille diplomatique et sa place au sein d'Al-Qaïda. Peu importe, il poursuit son chemin seul à la tête de son groupe. Durant l'été 2013, tous les états-majors et personnels des affaires étrangères découvrent les ambitions et la puissance de Daesh. Le journal de 20h, Marie Drucker. Bonsoir à tous, il est 20h, bienvenue. L'actualité de ce vendredi 7 juin. Les journalistes à nouveau pris pour cible en Syrie. Didier François, grand reporter à Europe 1, et Édouard Elias, photographe indépendant, n'ont plus donné signe de vie. Dans l'actualité également, la disparition inquiétante de deux journalistes français en Syrie. Il n'y a pas de statistiques exactes, mais la vague de kidnapping en Syrie concernerait, disent certains experts, une douzaine d'Occidentaux travaillant aussi bien pour des médias. Il s'agit d'un reporter d'Europe 1 et de son photographe qui faisait routes vers Alep. Alors qui les détient ? Des groupes djihadistes, des mafieux. Le contact a été perdu avec les deux hommes il y a un peu plus de 24 heures maintenant. Juin 2013, la guerre en Syrie frappe à nos portes. La veille, en effet, un journaliste et un photographe français, Didier François et Édouard Elias, sont enlevés sur la route entre la frontière turque et Alep. Le 22 juin, ce sont nos confrères Nicolas Hénin et Pierre Torres dont on perd la trace dans la région de Raqqa. Ils sont quatre Français parmi une vingtaine de journalistes et civils kidnappés sur les terres syriennes. Au lendemain de leur disparition, aucune annonce des ravisseurs n'est faite. Alors, où sont-ils et qui se cache derrière ces disparitions ? Au fil des semaines, tous les regards des renseignements généraux et des états-majors se dirigent vers les membres de l'État islamique en Irak et au Levant. À l'été 2013, ils sont encore des inconnus de nos journaux, mais déjà des stars sur la toile djihadiste où tous les jours, ils font la une. Avec Daesh, la guerre en Syrie est une télé-réalité qui donne à voir quotidiennement les faits et les méfaits des djihadistes. Par l'image, le groupe s'impose comme la première agence de recrutement des nouveaux combattants. Ses films de propagande aux airs de blockbuster mettent en scène l'histoire du groupe, son ambition, ses actions. Il y a aussi les films amateurs, tournés souvent avec des portables, dans lesquels on suit la vie quotidienne des djihadistes, leur arrivée en ville, les défilés militaires, mais aussi la mort et les exécutions en chaîne. À chaque fois, la même mise en scène se répète. Des hommes en noir, armes à la main, entourent et agenouillent d'autres hommes. Les meurtres déguisés en actes de guerre sont filmés. Le soir, on retrouve les images d'exécution, filmées sur plusieurs axes. Qui sont ces victimes ? Des musulmans, chiites, irakiens ou djihadistes concurrents, fidèles du pouvoir d'Assad ou de Bagdad. En Syrie et en Irak, par ses actes et ses images, Daesh se fait un nom, celui de la terreur. En avril 2014, après 10 mois de détention, les otages français sont de retour, sains et saufs. Tous n'auront pas cette chance. Grâce à leurs témoignages, on retrace leur calvaire et les routes du pouvoir de Daesh. D'abord retenus dans les caves d'Alep, ils quittent la ville face à la pression d'un autre groupe djihadiste concurrent. Ils sont emmenés alors à Raqqa, ville située à 385 km au nord-est de Damas, où se trouve l'état-major de l'organisation. De cette cité passée sous l'autorité de l'État islamique, ils ne voient rien. Ils ne connaissent que les sous-sols, les salles d'interrogatoire et les coups de leurs geôliers. Parmi eux, des Français comme Mehdi Nemouche, futur auteur présumé du quadruple assassinat commis au musée juif de Bruxelles en mars 2014. Nicolas Hénin, ancien otage, raconte ses heures passées avec Nemouche. Mehdi Nemouche m'a maltraité, moi-même. Je n'ai pas connaissance d'autres otages occidentaux qui l'auraient maltraité. En revanche, j'ai pu l'entendre torturer des prisonniers syriens dans cet établissement dans lequel nous nous trouvions. Après m'avoir cassé la figure, il est venu me montrer ses gants et il était très fier en me disant « T'as vu ces gants de moto, je les ai achetés rien que pour toi, rien que pour te casser la figure, est-ce qu'ils t'ont plu ?» C'était un peu, oui, ça résume un petit peu le personnage, à la fois violent et provocateur. La brutalité de Daesh ne s'abat pas seulement sur leurs otages ou leurs ennemis, mais aussi sur les gens des villes qu'ils occupent. Dans le film de Jérôme Fritel, Abou Mohamed raconte le quotidien à Raqqa. Il y a d'abord eu des exécutions dans la rue, pendant un jour ou deux. Puis cela a continué. Il y avait de plus en plus d'exécutions, de crucifixions. On était très choqués. Là, on a compris où on allait. Une fois, c'était une décapitation. La fois suivante, il tranchait une main. C'était une stratégie. Ces châtiments étaient exécutés pour forcer la population à respecter leurs lois. Plus personne n'osait commettre d'erreur. On avait tous peur. Au début de l'année 2014, le groupe islamiste marque son territoire en Syrie, mais aussi en Irak, car maintenant ce sont les terres irakiennes que Daesh souhaite conquérir. Au mois de janvier, il occupe la ville sunnite de Fallujah, située à 60 km de Bagdad. Comme à chaque fois, il répète le même scénario. Il se présente comme opposant au régime en place. Au lendemain de la prise de la ville, ils organisent le pouvoir en leur restituant des acteurs locaux, chefs de clan ou de quartier. Et puis Daesh relance des services étatiques, hôpitaux, secours, alimentation, éducation, sécurité, ainsi qu'un système de taxation. Les femmes, elles, sont couvertes, de la tête aux pieds. Les prières sont continuelles, l'alcool est proscrit. La loi et la justice deviennent celles de Dieu. Alors, les infidèles subissent crucifixion, pendaison, amputation, exécution. Au sein de la population, la réaction est multiple. Pour les chiites ou les chrétiens, il faut fuir avant de mourir. Au sein de la population sunnite, le sentiment évolue entre soutien et attentisme. À la fin du printemps 2014, Daesh élargit son influence sur de nombreux territoires, de Halwa à la Syrie. Désormais, tout est prêt pour atteindre Mossoul, seconde ville du pays située aux frontières de la Syrie et du Kurdistan. Mossoul a vu naître beaucoup d'anciens hauts gradés de l'armée de cadre du parti Baas de Saddam Hussein. Riche en pétrole et en hydrocarbures, elle est une cible idéale pour qui veut défier le pouvoir de Bagdad. Le 6 juin 2014, l'offensive est lancée. Quelques rafales de mitraillettes, des explosions, rien de plus. Dans les rues de la ville, le nombre des forces gouvernementales irakiennes diverge, selon les sources. On parle de 25 000 à 50 000 hommes, soldats et policiers. Combien sont-ils en armes ce jour-là? Au moins 10 000, selon les estimations les plus basses. En tout cas, en face, les hommes de l'État islamique en Irak et au Levant sont 2 à 4, 3 fois moins nombreux. Et pourtant, 4 jours après le début des combats éphémères, la ville s'ouvre à eux. On sait désormais que ce fut une bataille sans véritable combat. Après quelques tirs et quelques morts aux abords de la ville, les chefs des armées et leurs hommes se sont évaporés le 10 juin 2014. Encore une fois, la communication aurait joué un rôle prépondérant. En effet, un message de victoire aurait été diffusé du haut de toutes les mosquées de la ville et les soldats auraient pris peur et se seraient enfuis. Dès le 10 juin, on observe sur la toile djihadiste les célébrations de la victoire. Sur les vidéos qui sont partagées, on voit des hommes de Daesh, drapeaux et mitraillettes à la main, fanfaronner dans les rues et défiler sur les chars, les blindés, les canons, les missiles. Ce jour-là, Daesh met la main sur un arsenal militaire estimé à 3 milliards de dollars. Dans leur fuite, les soldats du gouvernement abandonnent également une belle somme d'argent, un butin estimé à plus de 400 millions de dollars. Le 10 juin 2014, Mossoul tombe et le monde rencontre un nouvel ennemi. Un an après, malgré les attaques aériennes de la coalition internationale, Mossoul et Raqqa sont toujours entre les mains de l'État islamique. Dans cette guerre qui paraît lointaine, qui fait rage en Irak et en Syrie entre opposants et fidèles du régime, impliquant communautés ethniques et religieuses, groupes djihadistes opposés ou alliés, nous sommes désormais nous aussi sur la ligne de front. Oui, nous y sommes, par nos enfants, ceux de France qui partent pour le djihad et qui y meurent. Mais aussi par ceux qui en reviennent, brisés par l'horreur de cette guerre, ou ceux qui ici deviennent fous et qui veulent tuer en Europe, au nom de Daesh. Alors, de quoi Daesh est-il le nom? Sans doute de nos erreurs passées et de nos défis futurs, de Syrie en Irak et de Marmata jusqu'à Paris. Same way as I did, missing out the cracks in the pavement and turning my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Round my hometown, made memories. when the air is so thick and opaque. I love her to see everybody in short skirts, shorts and shades. I like it in the city when two worlds collide. You get the people and the government. Shows that we ain't gonna stand shit. Shows that we are united. Shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna stand shit. Shows that we are united. From my hometown, memories are fresh. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la chute de Mossoul, notre invitée, Myriam Benrad. Bonjour Myriam Benrad. Bonjour. Alors je le rappelle aux auditeurs, vous êtes spécialiste de l'Irak et du Moyen-Orient, chercheuse associée à l'Institut de Recherche et d'Études sur le Monde Arabe et Musulman, et auteur notamment du livre référence intitulé « Irak, la revanche de l'histoire, de l'occupation étrangère jusqu'à l'État islamique ». Alors, avant juin 2014, que représente Mossoul sur l'échiquier politique et économique de l'Irak? Quelle place tient cette ville? Mossoul est une ville historique. Il faut, je pense, rappeler, avant d'évoquer la période récente, le fait que c'est autour de des querelles portant sur Mossoul que l'État irakien contemporain s'est formé, avec, après la Première Guerre mondiale, son rattachement à la construction étatique qui était portée par les Britanniques, hein, puisque ces derniers avaient hérité finalement de la province de Mossoul, qui était donc initialement une province ottomane, qui avait elle-même été créée au XIXe siècle. Donc ça a été le lieu, je dirais, un lieu fondamental dans la formation de l'État-nation irakien. La ville est la deuxième plus importante d'Irak, elle le reste encore aujourd'hui après Bagdad. Et c'est un point central au plan géographique. Et d'ailleurs, ça va bien au-delà de l'Irak, parce que Mossoul a toujours été historiquement un point de passage important en Mésopotamie, au Levant. Sur la période plus récente, la ville est restée un point également central de la vie politique irakienne, où on a eu un certain nombre d'idéologies, de mouvements politiques qui se sont développés, notamment le courant nationaliste pan-arabe. Oui. Le parti basse, soutenu par le parti basse était très très très implanté à Mossoul également. Alors il y avait des querelles évidemment à l'époque entre les différents sous-courants nationalistes. Au plan économique, Mossoul se trouve évidemment au nord, qui est riche en hydrocarbures, donc ça a permis un développement très important de la ville. Et pour revenir à la question de l'État irakien, la technocratie irakienne, tous les hauts fonctionnaires et également les hauts gradés de l'armée étaient souvent originaires de la ville. Alors ça remontait comme je l'avais précisé, à l'époque ottomane, au fait qu'on recrutait beaucoup des cadres de l'administration dans la ville. Donc Mossoul est vraiment un point vital pour l'Irak. Alors est-ce que c'est la raison pour laquelle Daesh s'y est implanté? Est-ce que Daesh a eu le raisonnement suivant? C'est la deuxième ville d'Irak, et pour toutes les raisons que vous venez de donner d'ailleurs, si on doit s'implanter, c'est là. Alors je dirais que au niveau de l'État islamique, il y a plusieurs facteurs qui ont permis à l'organisation de prendre le contrôle de la ville. Tout d'abord, il faut préciser encore une fois sur un plan historique que Mossoul a été le haut lieu de l'islamisme sunnite, parce que c'est dans la ville que les Frères musulmans se sont implantés pour la première fois à Mossoul, à l'époque d'ailleurs non pas autour de d'Arabes mais de Kurdes, qui ont constitué les premières cellules de la mouvance frériste en Irak. Donc on avait un certain nombre de religieux très conservateurs qui ont propagé les idées des Frères musulmans en Irak à partir de Mossoul. La ville a toujours été marquée par un fort conservatisme religieux qui a donc été propice à toutes les formes de radicalisation. Sur la période plus récente, la radicalisation notamment salafiste. Alors maintenant, au niveau de l'implantation de l'État islamique à Mossoul, je dirais qu'il n'y avait pas de fatalité, mais il y a eu plusieurs facteurs. Donc, d'une part, le fait que Mossoul, après 2003 et la chute du régime de Saddam Hussein, a été marginalisé. Ça, ça va de pair avec la situation qui a été celle plus largement des Arabes sunnites en Irak, donc il y a eu une véritable rupture entre Bagdad et la ville. Ensuite, c'est pour des raisons plus prosaïques qu'une partie de la population s'est ralliée à l'organisation terroriste qui, en 2014, qui a promis aux gens de remplacer l'État défaillant. Donc ça, c'est passé par des promesses, notamment de restitution de l'autorité aux autorités locales, notamment aux tribus sunnites qui étaient elles aussi en porte-à-faux violent avec les autorités centrales. C'est passé aussi par la promesse d'un nouveau contrat social, de rétablissement des services, de la sécurité pour les populations, alors que ces dernières avaient massivement rejeté la politique de l'ancien premier ministre irakien Nouri al-Maliki, lui-même chiite. D'ailleurs, ça c'est très important parce qu'il y a eu une perception collective qui s'est développée à Mossoul d'un État irakien post-bassiste dominé par les chiites et qui a donc fortement influencé la poussée sécessionniste parmi ces populations. Donc, dans la mesure où l'État islamique arrivait avec un projet pan-islamiste, là pour le coup sécessionniste de formation d'un État alternatif, beaucoup, c'est vrai, ont été séduits par cette idéologie radicale révolutionnaire. J'ajouterai une dernière chose. Évidemment, la proximité avec la Syrie, où l'État islamique s'était développé avant la prise de Mossoul, a facilité les passages de combattants, les flux de marchandises, un certain nombre de facteurs qui, évidemment, ont rendu les choses plus simples pour le groupe. Myriam Benrad, on va écouter une archive ensemble. La guerre en Irak est aussi une guerre qui se base sur la fracture confessionnelle du pays. On vient d'en parler, donc sunnite, chiite. Je vous propose d'écouter un extrait du documentaire de Jérôme Fritel intitulé « Daesh, naissance d'un État terroriste » dans lequel s'exprime le maire d'une ville qui s'appelle Zoumar, ville libérée de Daesh, en août 2014. Zoumar présente toutes les traces du nettoyage ethnique et religieux pratiqué de façon systématique par les djihadistes. Les commerces et les maisons portent encore leurs inscriptions, avec la mention « arabe » ou « kurde », « la soumission » ou « la destruction », « la vie » ou « la mort ». Daesh avait infiltré des cellules dormantes en ville qui leur ont donné des renseignements avant leur arrivée. Cette maison est habitée par des soldats, celle-ci par un fonctionnaire, celle-là par un gendarme. Ils enregistraient toutes ces informations et agissaient en fonction. On n'avait pas le choix, on était obligé d'obéir. Est-ce qu'ils ont tué beaucoup de gens ici? Dans chaque village, ils ont assassiné entre 15 et 20 personnes. Soit ils faisaient sauter les maisons avec les habitants à l'intérieur, soit ils les piégeaient avec des explosifs à retardement. Voilà, Jérôme Fritel parle de purification ethnique, il le dit pas comme ça sans raison, évidemment, c'est parce que, notamment, le ministre de l'Agriculture irakien, dans le même documentaire, qu'on n'a pas entendu là, parle lui aussi de purification ethnique. Est-ce que cette formule vous paraît juste et réelle concernant Daesh et l'Irak? Écoutez, il y a toujours eu des débats très vifs sur la qualification de la violence de masse. Quand on parle de génocide, de purification ethnique, il y a évidemment des dissensions entre chercheurs, universitaires sur les termes. Cela étant, on sait tout de même qu'il y a eu effectivement l'élimination de populations entières, à commencer par les yézidis, que les chrétiens ont fait les frais de l'ultra-violence de l'État islamique. Par ailleurs, des charniers sont régulièrement retrouvés depuis maintenant 2 ans par des équipes de professionnels et notamment des experts qui travaillent sur la violence et les génocides. Donc sur ça, il n'y a pas de doute. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a la confirmation de cette politique de terreur qui a été systématiquement pratiquée Et on le voit qui a commencé par des alliances passées avec les acteurs locaux. Je parlais des tribus, mais ça a été le cas avec un certain nombre de notables et puis aussi après de jeunes qui cherchaient finalement un refuge idéologique et qui l'ont trouvé dans l'État islamique. Maintenant, l'administration, entre guillemets, des populations, on voit que ça s'est fait par la terreur, par l'élimination totale de tous ceux qui s'opposaient au groupe. Et j'ajouterais de ce point de vue qu'il n'y avait pas vraiment de distinction faite par les djihadistes entre minorités et sunnites. Les sunnites ont fait les frais eux-mêmes de la politique purificatrice, totalitaire de ce groupe. Moi, je la qualifie de totalitaire parce que on voit bien que c'est une gestion dans la terreur par le encore une fois l'administration du moindre détail. Et aujourd'hui, avec les territoires libérés et les témoignages précieux qu'on arrive à, enfin à recueillir de la part des déplacés, des réfugiés, des populations qui donc ont été émancipées du joug de l'État islamique, on voit bien qu'on avait affaire à un groupe qui était tout sauf un groupe de un mouvement de libération. Ça s'est traduit par des exactions, des atrocités absolument inqualifiables à l'égard des civils. Mais puisque vous parlez de ça, justement, Fallujah, ville située à 50 km de Bagdad, sous l'emprise de l'État islamique depuis janvier 2014, a été libérée. On va écouter ensemble, justement, un extrait d'un reportage de journaliste de France 3 dans la ville et au lendemain de cette libération. Au loin, un panache de fumée, un raid aérien hors de la ville. Fallujah et ses faubourgs se réveillent, entièrement libérés et vides. Impossible de filmer le centre et ses boutiques, tout est miné. Nous ne pouvons emprunter qu'une seule route, qui serpente dans la ville. Ça et là, des cadavres carbonisés de djihadistes. Daesh n'aurait jamais pu tenir la ville sans des complices. Où sont-ils ? Pour tenter d'y répondre, direction le désert. Une caserne isolée, à l'intérieur, 250 jeunes hommes attendent accroupis. On détient encore 2000 personnes et on n'a pas que des soupçons sur eux. On a des renseignements précis. On va les garder jusqu'à la fin de l'enquête. La victoire de Fallujah pose un grave problème aux autorités irakiennes. Que faire de tous ces hommes ? Sont-ils innocents ? Ont-ils combattu aux côtés de Daesh ? La logique pour le gouvernement irakien va être difficile à établir. Justice ou vengeance ? Myriam Benrad, la question se posera aussi concernant Mossoul. Est-ce que les autorités irakiennes ont imaginé un plan pour les jours après la libération de Mossoul ? Non, c'est tout le problème. D'ailleurs, le plan, il est mis politique concernant la gouvernance qui succède à l'État islamique. Donc, quand je parle de gouvernance, quelles autorités pour administrer la ville et encore une fois conduire des politiques qui ont fait défaut pendant plusieurs années dans ces territoires, puisqu'il y a eu un désengagement de l'État central quand même à l'égard des populations sunnites. Encore une fois, il faut le rappeler pour comprendre pourquoi l'État islamique est monté en puissance et a réussi cette percée spectaculaire en 2014. La reconstruction, elle n'est pas économique non plus. Vous mentionnez Fallujah, on peut mentionner d'autres villes comme Tikrit et Ramadi, qui sont des villes sunnites également, et où il n'y a aucun plan de reconstruction, à commencer par l'habitat même, ce qui empêche les populations de regagner ces territoires alors qu'elles le voudraient, qu'elles sont attachées à leurs terres. Donc il faut absolument que les autorités irakiennes mettent rapidement en place des plans de reconstruction, de transition, pour encore une fois éviter que les conditions qui ont permis à l'État islamique de s'implanter soient reproduites une seconde fois. J'ajouterai sur la question qui est très intéressante, qui est soulevée dans le reportage, la question de la justice et de la vengeance. Actuellement, en réalité, on a plutôt des représailles au niveau local. On le voit par exemple à Ramadi, où les tribus qui donc s'étaient opposées à l'État islamique, parce que comme je l'ai dit, les populations étaient en fait très divisées, mais celles qui s'étaient opposées à l'État islamique, aujourd'hui, mènent une politique ad hoc de recherche des djihadistes ou des éléments de l'État islamique et vont procéder à des jugements tribaux. Alors ça, c'est intéressant parce que c'était déjà le scénario à l'époque où il y avait eu le fameux surge américain, l'alliance de certaines tribus avec la coalition, et dans l'après-État islamique d'Irak à l'époque, en 2007-2008, on avait en fait aux commandes des tribus qui s'étaient substituées à l'État. Alors là, on peut craindre quand même des conflits entre donc ce paysage tribal et les autorités. Au niveau de Bagdad, la vraie question en réalité concernant les éléments de l'État islamique qui sont nombreux, c'est quelle politique ? Est-ce que on a une politique, je dirais, eh bien justicière ? Pour l'instant, c'est le cas avec des condamnations à mort d'un certain nombre de djihadistes. Ou est-ce qu'on va s'orienter peu à peu vers plus de distinction, un peu plus de réintégration à la vie civile ? Et ça passerait par une amnistie. Moi, j'ai souvent évoqué le scénario algérien. C'est d'ailleurs une chose que les autorités irakiennes considèrent. Il faudra pour certains de ces gens éventuellement considérer une amnistie pour ne pas les faire revenir aux armes. La Concorde, la fameuse Concorde. Une fameuse Concorde civile, oui, tout à fait. Et alors, par rapport à Mossoul, et je reviens sur ce que vous disiez quand vous avez présenté la ville de Mossoul et les enjeux qu'elle représente pour la ville d'Irak, cette deuxième ville d'Irak, enfin, je ne vais pas dire ce que vous avez dit, est-ce que, en fonction de cela, Mossoul serait la clé de l'avenir d'un Irak unifié, alors quand Mossoul sera libéré, est-ce que c'est là que ça peut se jouer ? Je dirais qu'il y a de toute façon une tension depuis 13 ans entre le maintien de l'État-nation irakien qui, bon, avant l'arrivée des Américains en 2003, était tout de même très affaibli par des décennies de guerre et évidemment par la politique qui avait été celle du régime bassiste, mais qui tient toujours. On le voit, les Irakiens n'ont pas perdu toute fibre nationaliste. Et d'ailleurs, un certain nombre de manifestations récentes ont prouvé que ces derniers étaient là du confessionnalisme, qu'ils souhaitaient une reconstruction nationale, une réconciliation. Donc il y a cette tendance. Et de l'autre, évidemment, on ne peut pas le nier, il y a, comme vous le mentionniez, les tensions communautaires confessionnelles qui participent de la fragmentation du pays, des poussées régionalistes, locales, des demandes d'autonomie, d'ailleurs exprimées par les sunnites aujourd'hui, qui ont pris modèle assez largement sur le cas de la région autonome kurde. Entre ces mêmes poussées autonomistes, on a différents agendas, différentes visions de l'Irak. Donc la vraie question, c'est quel modèle politique pour l'Irak ? Je tiens à préciser de ce point de vue qu'il y a déjà inscription dans la Constitution de 2005 du principe fédéral, qui n'a jamais vraiment été mis en œuvre de manière efficace. Donc il faut de toute façon que les Irakiens s'orientent vers une conciliation. Et j'ajouterai une chose, le fédéralisme ou une forme, je dirais, de dévolution politique ne signifie pas la fin d'un État-nation. On peut trouver des équilibres intelligents et c'est l'intérêt des Irakiens aujourd'hui. Je pense qu'un certain nombre qui sont raisonnables, du reste, le savent très très bien. Il faut rappeler à nos auditeurs que l'Irak est un pays à majorité chiite qui a été gouverné pendant des décennies par une minorité sunnite, on est bien d'accord. Ce qui laisse des traces, forcément. Oui, alors c'est vrai, mais de ce point de vue, c'est beaucoup plus compliqué parce que moi, je suis un peu gênée par cette approche très simplifiée de l'Irak. Il y avait une tradition administrative, technocratique sunnite en Irak qui, comme je l'ai précisé, remonte à l'époque ottomane. Cela étant, si on fait les comptes historiques, les chiites ont aussi participé à la dictature bassiste. Comme je l'ai dit, il y a eu une époque où ces gens coexistaient et où les allégeances confessionnelles, les sentiments communautaires étaient beaucoup moins prononcés. Donc, encore une fois, le nationalisme irakien est une réalité, on ne peut pas le nier en bloc. Et de la même manière, les sunnites se sont retrouvés aliénés par cette représentation qui les associait aux crimes de l'ancien régime, cette représentation qui fait d'eux aujourd'hui systématiquement des terroristes aux yeux du reste de la population. Je pense qu'il faut vraiment dépasser ces catégories si l'idée est de maintenir l'Irak dans ses frontières actuelles et d'essayer, il faut absolument tout faire, et là je pointe aussi du doigt la communauté internationale qui doit participer de ce processus. Il faut aujourd'hui tout faire pour rassembler dans ce pays, parce que il est vrai que le communautarisme a miné l'Irak, l'a détruit, notamment la nouvelle génération, celle qui s'est engagée dans les rangs de l'État islamique et celle qui, du côté chiite, aujourd'hui peuple les milices. Il faut aujourd'hui dépasser cela et permettre une démobilisation, un retour à la vie civile et une réconciliation. Alors, ça n'arrivera pas, qu'on soit clair. Les niveaux de violence sont tels que ça ne pourra advenir que dans le temps long, mais de ce point de vue, il faut une volonté politique. Alors, où en est, et c'est lié, où en est Daesh exactement ? Daesh a été fort, Daesh est attaqué maintenant de toutes parts, perd des villes, mais est-ce qu'ils ont tout perdu ? Ils en sont où réellement ? Non, ils n'ont pas tout perdu. Je parle souvent, vous savez, de la première version de l'État islamique en Irak entre les années 2006 et 2008. Bon, il est vrai qu'en 2014, ils ont réussi ce qu'ils n'avaient pas réussi une première fois, c'est-à-dire la création de facto d'un proto-État, d'une gouvernance islamique, enfin, entre guillemets, islamique, dans les territoires qu'ils ont conquis militairement. Il est vrai qu'aujourd'hui, du fait de l'intensification de la campagne menée par la coalition, et notamment des frappes aériennes américaines qui ont porté un coup dur à l'organisation, à son leadership, à ses infrastructures, ce proto-État est disloqué, on peut le dire. Il ne reste en fait que des poches de territoire qui sont aux mains des djihadistes. Donc ils sont de retour à leurs anciennes techniques, à leur ancien mode opératoire qui est celui d'une guérilla urbaine, avec toute la fluidité sur le terrain que cela implique. On le voit bien, ils se déplacent d'un territoire à l'autre. Lorsqu'ils sont dans une situation d'affrontement à Mossoul, ils attaquent Kirkouk ou Rutba dans la province d'Al-Anbar pour faire diversion. Ils sont revenus, je dirais, à l'état d'insurrection contre une armée des forces plus conventionnelles. Mais c'est d'ailleurs pour cela que les milices chiites et les peshmergas sont finalement un peu plus efficaces que les autres dans la lutte contre l'État islamique, parce que eux-mêmes procèdent avec ce type de technique. Alors maintenant, il va falloir repenser, je dirais, les actions militaires. De ce point de vue, on est revenu aux vieilles années, entre guillemets, de l'État islamique. Donc on fait face à une insurrection qui va redoubler de violence et vouloir se venger à mesure que le territoire lui échappera. Il faut repenser de ce point de vue la campagne de l'après. Parce que les opérations militaires lourdes, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite pour maîtriser cette guérilla, pour la neutraliser dans les territoires dits libérés ? Bien sûr. Alors, toute dernière chose, parce que ce que vous dites de ce qu'est Daesh aujourd'hui, en retour à ce qu'il était au début, nous fait penser à Al-Qaïda, qui n'a pas créé quelque part un État islamique. Daesh est-il un concurrent ou un héritier d'Al-Qaïda ? Écoutez, je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est évidemment sur la période récente, les dissensions, les rivalités qui sont clairement apparues entre les deux tendances. Bon, rivalité pour le pouvoir, pour le commandement symbolique, et cela pas uniquement au Moyen-Orient, mais au-delà, auprès d'un certain nombre de musulmans qui sont sympathisants de ces groupes djihadistes. Ça, c'est sur la période récente. Bon, il y a des vrais conflits idéologiques derrière, tout de même, entre les deux mouvances, qui s'expriment notamment sur la question de l'application de la charia, la question de l'administration des populations, la question des priorités de la lutte. Bon, ça, c'est la période récente. C'est vrai qu'il y a eu énormément de couverture médiatique de ces choses-là. Mais il y a tout de même proximité idéologique. L'État islamique a repris beaucoup des thèmes d'Al-Qaïda, a commencé d'ailleurs par la notion même d'État islamique qui est propre à tous les courants djihadistes, a commencé par Al-Qaïda et ses filiales. Bien, je vous remercie Myriam Benrad de nous avoir apporté tous vos éclairages sur cette région du monde que vous connaissez si bien. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la chute de Mossoul, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, vendredi, donc, la fiction, elle sera consacrée à Jean-Paul Sartre et le prix Nobel.